Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 22e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette nouvelle émission, on a plein de jeux à voir et je vais commencer par présenter mes petits camarades, à commencer par Sébastien, qui est plus grand que moi. Salut Seb. Bah, en fait, je suis plus grand que beaucoup de monde, donc c'est ça. Tu es un géant. Culpabiliser. Mais bonjour. Mais je sais rester humble. Belle entrée en matière. Ensuite, nous avons Laurent. Salut Lolo. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Oui. Salut Laurent. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah ça va aussi, de retour de vacances. Ah ouais d'accord, de retour avec ton son, ça c'est bien. Oui, oui. Bon, alors, ensuite on a Cyril, salut Cyril. Salut Sai, salut tout le monde. Salut. Donc oui, plein de jeux à voir en fait, mais on va commencer par un petit point qui nous a un petit peu énervé pendant cette rentrée qui s'annonçait pourtant radieuse. C'est notre strike supposé en tout cas de Facebook. Laurent, tu vas nous en parler un petit peu. Oui, strike de Facebook, en retour de vacances, super content. On dit, allez hop, c'est reparti pour une saison complète. Et puis le mardi de la semaine dernière, on arrive sur Facebook. Impossibilité pour nous de poster le moindre article et le moindre lien venant de VR for Player. Donc les adresses vrplayer.fr et vrforplayer.fr sont blacklistées par Facebook. Donc ben, c'est pour ça que si vous allez sur les pages et la page Facebook et le groupe Facebook, vous allez voir qu'il n'y a plus grand-chose dessus. Donc là, nous, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Apparemment, on a été striké, ou je ne sais pas ce qui... Soit c'est quelqu'un qui a fait des réclamations en répétition, soit il y a eu un bug, un piratage. On ne sait pas du tout d'où ça peut venir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'a aucune information de Facebook. Depuis mardi dernier, de la semaine dernière, donc ça va faire plus de 10 jours maintenant, je dois en être à entre 7 et 8 mails à Facebook par jour. Et à chaque fois, j'ai la même réponse, c'est-à-dire une réponse de Dob qui dit merci d'avoir envoyé ce message. Voilà. Merci pour votre participation. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a aucune réponse. Et bon, le plus fort, c'est que donc, le mardi matin, on ne pouvait plus poster. Donc, on se dit, bon, bah, il doit y avoir un bug. On n'a pas vraiment paniqué au début. Et puis, l'après-midi, on a carrément eu notre groupe Facebook qui a disparu. Donc, on a mis à peu près 3 ans à monter ce groupe, de réunir un peu tout le monde. Et puis, du jour au lendemain, bah, le groupe n'est plus, le groupe a totalement disparu. Est-ce qu'il a été suspendu par Facebook et il sera peut-être possible de le remettre un jour, ou est-ce qu'il a définitivement disparu? On ne sait pas. Non, en tout on cas, bon, pas. Ben, voilà, c'est rigolo parce que habitué sur YouTube, quand il y a un problème sur YouTube, on reçoit un mail qui nous indique ce qui s'est passé, le sujet qu'on a traité qui pouvait poser problème ou s'il y avait des problèmes de droit d'auteur. Facebook, eh ben, du jour au lendemain, il vous coupe tout et il vous explique pas, il vous dit pas pourquoi. Voilà. C'est ça. Donc c'est vraiment cool en tout cas de leur part. Donc Mark Zuckerberg, vu que tu nous écoutes, voilà. Bah fais quelque chose gros, hein, parce que nous on a plein le cul. Hein. C'est vrai que 3 ans de boulot comme ça qui sont torpillés sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est un petit peu... C'est super frustrant en fait. Donc, C'est ça. Donc, parce que c'est... En plus, le pire, c'est que nous, de notre côté, on cherche le pourquoi des choses. Donc tout est possible. Ça en est à même devenir pratiquement parano, parce qu'on imagine n'importe quelle possibilité. Mais on n'a aucune réponse. On ne sait pas si c'est lié à un jeu, parce que le jour où la page Facebook a été strikée, on a parlé du jeu du studio Fibrom, c'est Bullet. Roulette. Que c'était un jeu de roulette russe. Et est-ce que c'est le fait dans les commentaires d'avoir parlé de suicide, parce que Facebook, les robots de Facebook, parce qu'il n'y a personne derrière en fait, ils ont lancé une campagne sur Facebook justement pour éviter, pour repérer et éviter les suicides sur Facebook. Donc si on dit trop souvent les mots suicide ou des choses comme ça, apparemment les robots nous repèrent et ça peut avoir poussé les robots à nous blacklister le site. Mais ça, c'est une hypothèse parmi d'autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres possibilités. On attend, et puis là, ça fait 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Ça se trouve, on ne retrouvera jamais notre groupe. Voilà. Donc si vous nous écoutez, vous pouvez nous donner un coup de main. Et ben c'est très simple, il suffit d'aller sur votre page Facebook, vous essayez de rentrer vrplayer.fr dans un des commentaires. Là, on va vous dire que c'est pas possible. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le petit point d'interrogation en haut à droite de la page Facebook et vous faites signaler un dysfonctionnement. Et puis là, vous expliquez, ben, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas parler de ce site-là. On n'a aucune possibilité ni de recréer un groupe, ni de créer une nouvelle page, parce que ce n'est pas notre page ou le groupe n'existe plus, la page n'est pas bloquée, donc notre compte Facebook n'est pas bloqué. Donc on pourrait créer n'importe quelle page, de toute façon on ne peut plus partager de lien vers 4Player sur Facebook. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas vraiment de solution, en tout cas à court terme. Là, on n'a aucune solution. La réponse, voilà. De Facebook, tout ça pour un jeu qui a, enfin voilà, un jeu à la con. Si, enfin, si c'est une possibilité, si que ce soit ça, en voilà, tout cas, si c'est lié à ça, oui, ou un piratage, ou bon, un bug, ou un type qui s'est acharné sur nous en envoyant des tonnes de réclamations. Dans tous les cas, on aurait au moins aimé avoir un mot à dire. Déjà savoir le pourquoi du comment, et puis avoir quelqu'un au bout du fil. Mais ils sont injoignables. Une explication, quoi. Donc avis à tous ceux qui ont une page ou un groupe Facebook, et ben dites-vous que du jour au lendemain, ben vous avez 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, ben du jour au lendemain, ben y a un petit malin chez Facebook qui appuie sur le bouton, puis vous perdez tout, quoi. Et c'est le risque toujours de façon d'être un petit peu trop dépendant justement de ces réseaux sociaux. Exactement. Donc ben depuis cette histoire, je suis plus en train de chercher une alternative et éviter justement ce genre de réseaux sociaux où on est dépendant, en fait. On va créer notre réseau social, en fait. Des VR. Non, mais essayer de VR centraliser les choses sur VR4Player plutôt que de l'avoir ailleurs, quoi. Voilà. C'est, tout simplement. Forum. Parce que même si ça recommence aujourd'hui, si demain Facebook recommence, on va repartir pour un an, deux ans, et puis un jour, on va dire un mot qui leur plaira pas, et pouf, ça va répéter. C'est pas stable, c'est pas fiable. Faut arrêter. Bon. D'ailleurs, boulette roulette, quitte à se faire striker aussi par Apple, on en parle ou pas? Alors, bam. Donc, boulette roulette, donc c'est un petit jeu. Au début, c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai pas fait de recherche. En fait, c'est directement le studio Fibrom qui nous a contactés pour nous signaler qu'ils avaient ce jeu en cours. En gros, comment ça se passe? C'est un jeu, je crois que c'est à 4 en ligne. On est autour d'une table, on va jouer avec des cartes, et puis c'est un jeu de roulette russe, hein, donc il y a un pistolet sur la table, et puis en fonction des cartes que l'on va tirer, et ben on va avoir passé son tour, ou tiré sur son voisin, donc, au final ben, il ne peut en rester qu'un, donc c'est assez simple dans l'esprit. Ce jeu justement, roulette, donc ça on l'a su après coup, parce qu'on revient sur Facebook, c'est pour ça que c'est... Donc Facebook avait interdit sur ses pages de parler de ce jeu. Alors c'est un peu dictatorial comme décision, donc ça les dérangeait, donc on n'avait pas le droit de parler de bullet roulette. Apparemment il y a eu des sanctions. Bon, maintenant nous on est un site de jeux vidéo, donc un studio a passé des heures et des heures à développer ce jeu. Il nous signale qu'il va être compatible sur PSVR, on en a parlé. Et ensuite, à savoir aussi, la page Fibrom, donc du studio Fibrom de Bullet Roulette, n'est pas censurée par Facebook. Donc c'est là où je me dis que c'est peut-être pas ça. Donc au niveau du jeu, c'est très simple, hein, c'est un petit jeu. Après, c'est un truc qui peut être marrant à 4 euros, quoi, mais ça casse pas les baraques. Graphiquement, c'est pas terrible. C'est un machin un peu comme dans... comment il s'appelait bar fight, là, je sais plus le nom. Drunken bar fight. Drunken bar fight, c'est quelque excellent chose, jeu c'est, d'ailleurs. C'est un petit défouloir, je pense, qui peut être très drôle. À 3-4, on s'amuse à faire des tours de roulette russe, ça peut être très drôle. Mais il faut voir le prix, mais ça, pourquoi pas, ça peut être rigolo, mais c'est vraiment une toute petite production. Donc attention, les enfants, il ne faut pas faire ça en vrai, hein, c'est très important. Voilà, parce qu'il faut être des magots et neuneux, et prendre les gens pour des neuneux. Attention, hein, c'est du virtuel, hein. Ce qui est virtuel, ouais, c'est pas forcément réel. Tu fais bien de lire, hein, parce que et tout ce qu'on par ce contre, lit dans les faits divers. Par contre, vous avez le droit de défourailler plein de gens et à coups de machette et tout ça dans Resident Evil. C'est pas pareil. Tu es plein pareil. De gens à coups de mitraillette dans Call of Duty, mais il faut pas parler de suicide sur Facebook. Voilà, bon, bref. On sent bien que ça nous énerve un peu quand même. Bah, c'est sûr. Puis Oculus, il doit flipper avec des patrons pareils, quoi. Mmh. Ouais. Donc, du coup, petite question rituelle. Hypé, pas hypé, par celui-là, Sébastien ? Non. Très bien. En fait, je pense que ça va être encore trop cher pour ce que c'est. Et ah, puis, je pense que ça peut être marrant avec des amis, mais uniquement, quoi. Après, enfin, je sais pas, j'y vois pas grand intérêt, moi, perso. Ouais. Et toi, Cyril ? Ça vous dit, les copains, on joue à se suicider ce soir ? Ouais, non plus, comme tout le monde, je pense. Ouais, non. Le concept. Même si j'avais bien aimé Drunken Bar Fight, mais c'est vrai que c'est des jeux auxquels tu vas jouer un quart d'heure, une demi-heure, allez, une heure, et puis tu y reviendras plus dessus. Voilà, donc, c'est ça. Ça va te décrocher un sourire à 4 pour une soirée, et puis après, c'est fini, quoi. Bon. Oui, voilà. C'est du consommable, vraiment. Ok, et eh ben on va passer sur un jeu qui a l'air quand même un peu plus ambitieux. C'est Lo-Fi. Je l'ai bien prononcé, Seb, Sébastien ? Lo-Fi. Lo-Fi. Lo-Fi. C'est bien. Ça a l'air intéressant quand même, ce Lo-Fi. On a bon, Seb ? Lo-Fi, on a bon ? Bon, en tout cas, ça a l'air bien mieux. Qu'est-ce qui veut en parler de celui-là ? Bah, Laurent. Bah, écoute, on continue. Bah après, on va dire qu'il a encore trop parlé, mais vous lui tendez la perche. Moi, c'est ça, on a besoin de lui. Bah, après j'irai fumer une cigarette. Ou... Oh merde, j'ai peut-être pas le droit de dire ça, je vais me faire striker. Il a beaucoup de tensions nerveuses en son sein propre, là, il faut qu'il évacue. Donc, vas-y, lâche-toi, Laurent, parle. Lo-Fi, c'est un jeu qui n'était pas du tout destiné au PSVR, qui est plutôt poussé graphiquement par rapport au jeu qu'on a l'habitude de voir, sauf que la campagne Kickstarter qui a démarré la semaine dernière un objectif engagé de 41 334 euros et donc ils ont atteint leur somme de départ en 4 jours. Là il reste encore 20 jours sur la campagne, donc c'est un jeu du style cyberpunk dans une ville futuriste avec des cyborgs, des androïdes et donc c'est une enquête, donc c'est un monde totalement ouvert, donc là on parle plus de quelque chose à la Skyrim, dans un vrai monde ouvert, dans une ville sombre à la Gotham City. Un petit peu dans les esprits, c'est typique cyberpunk, hein, c'est clair. On sera complètement libre d'aller où on veut, on pourra se déplacer avec des voitures volantes à la Blade Runner. Putain, c'est chaud, il est là en plus, il nous entend. Il va falloir faire une enquête. Ça semble ressembler au niveau scénario à Blade Runner, justement. Il y a eu des assassinats. Il va falloir trouver, faire remonter comme ça toute une mafia de robots cyborgs qui ont été trafiqués, tout ça. Il va falloir mener une enquête. Il y a des combats aussi. Donc les véhicules sont armés. Donc il y a possibilité aussi de tirer sur les autres véhicules. C'est un gros jeu, d'où on s'y était même pas attardé dessus parce que quand on a vu ça, on a dit c'est pas la peine, c'est pas pour nous, surtout pas pour la PS4. Et puis au final, c'est directement le développeur qui nous a confirmé que le jeu était bien en prévision sur PS5. À savoir, il nous a dit PSVR PS5, il a pas dit PSVR 2 PS5, mais oui. De toute façon, ce sera la même chose. Par contre, ça veut dire. Ce que j'ai compris à ça, c'est on va avoir une nouvelle génération de jeux sur nos PSVR à la sortie de la PS5. Il y a déjà pas mal de studios qui en ce moment ils sont en silence radio total, ils sont tous en train de travailler sur des jeux PS5 à mon avis, et donc ça va ramener un coup de souffle justement d'avoir une machine beaucoup plus puissante et puis certainement des jeux qui seront VR mais qui seront exclusifs à la PS5. Dans le cas de Lo-Fi, ça va être le cas. Dernière chose sur la campagne Kickstarter, parce que là, donc, à l'heure où on parle, on en est à 53 050 $, mais il faut préciser quand même que je crois que c'est à 256 000 $ qui débloque la version PS5. Ouais, 256 000 $, la next gen. Donc là, ils ont déjà leur truc de départ. Maintenant, il reste 20 jours sur la campagne, il faut guetter. Puis si on tape les 256 000, on sait qu'il y aura des chances que ça arrive sur PS5. Bon, en tout cas, allez voir les images un petit peu sur le site, parce que ça a l'air franchement bandant hein, comme projet. Ah ouais, enfin moi je suis à fond hypé par ce jeu-là, c'est à fond Blade Runner, ça a l'air... La version Oculus Quest est à 600 000 dollars. Non attends, la version Oculus Quest pour ce jeu-là? Ouais. Ah, tu vas me dire qu'ils peuvent pas le faire. Alors ils peuvent le faire tourner avec l'Oculus Quest, mais pas avec le PSVR sur PS4. Non, mais j'hallucine là. Là tu vois, je viens de capter l'information là. Avec 600 000 dollars, tu fais des merveilles. Des miracles. Peut-être qu'ils vont proposer. Tant que tu es pas atteint les 600 000, tu peux pas faire le miracle. Ouais. Non, enfin bon là, je tombe des nues là, tu vois. Très enfin, bizarre. Non, c'est de la com encore. Mais peut-être que pour la PlayStation, ils préfèrent justement offrir une version vraiment similaire à leur version de base, alors que l'Oculus Quest, peut-être qu'ils considèrent ça plus comme une... En gros, une console portable, tu vois, c'est un peu ça, l'Oculus Quest, c'est le petit casque comme ça, qu'on sort. Un jeu comme ça sur un processeur de téléphone portable, alors là, j'ose même pas imaginer... Ah non, mais c'est clair, parce que là, je regarde les visuels de l'article que tu as fait, les vidéos... Mais bon, pour avoir le Quest, ça tournera jamais sur le Quest, c'est impossible. Bah, toutes les textures auront disparu. On va voir. Ça sera le même en 2D en pixel art. C'est ça. Ah, à la rigueur, ça peut être intéressant de même en 2D, mais ouais, pour moi, on est encore une fois dans la com là. C'est pas possible. Bon, il parle du Quest parce que c'est le casque à la vogue en vogue en ce moment. Donc pour drainer des fonds. C'est et ça. Puis après, ils sont en train d'appâter avec la PS5 pour se dire bon, mais putain, ouais, tiens, si on rajoute un peu de pognon, on va basculer, on aura le jeu sur PS5. Bon. On sait que c'est une galère le développement sur PS4 dû justement à la puissance de la PS4. Il y a beaucoup de jeux PC qui s'y sont tentés, qui ont promis que ça sortirait sur PSVR et qu'on laissait tomber, ou qui sont allés jusqu'au bout. Je pense à Cyan, ceux qui font Riven et Myst. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. On en parle tous les podcasts. Hein, qui a été une vraie catastrophe en version VR sur PS4, faute de puissance. Et puis c'est surtout beaucoup de temps de passer d'une version PC puissant et d'essayer de... Forcément, il faut tailler à coups de serpe dans le jeu pour avoir quelque chose qui tourne. Et là, on arrive vraiment à... On est vraiment en fin de période de vie de la PS4. Il y a de grandes chances, beaucoup de rumeurs qui parlent d'une annonce par Sony en février. Pourquoi? Parce que la PS4 avait été annoncée en février en 2013 et puis pour une sortie en novembre, donc de novembre 2020. Donc les studios, ils font quoi? Ils se disent, est-ce qu'on va galérer à sortir un truc sur une PS4 ou est-ce que plutôt, de toute façon, le jeu ne sortira pas avant 2020 ou 2021, autant le faire directement sur la machine qui sera clairement plus simple. Non, mais pas de temps, ils te font. Hein. Ça se conçoit et c'est pas être visionnaire, mais c'est être intelligent de le faire. Mais bon, qu'on me dise pas que le jeu il peut pas tourner sur PS4 alors qu'ils vont le sortir sur Quest. Quest. C'est impossible. Ouais, voilà. C'est tout. Version Switch aussi, prévu. Ouais. Et là, c'est $1 million. Ils ont sorti The Witcher 3 sur Switch. Là. Alors, ils ont fait plein de concessions sur les textures et tout ça, mais ils ont réussi à le faire. Tu vois. Ouais, une version low de Witcher 3, ça peut. Ça reste joli en plus. Hein. Ça reste vraiment sympa. Hein. Ouais, t'as regardé. Console portable, ouais, franchement, ça va. Ça passe bien. En tous les cas, ce jeu-là, il a l'air sympa. Moi, ça me fait penser à Deus Ex un peu là. Ouais. Blade Runner, sans souci, mais l'ambiance, c'est que je me vois déjà dans la voiture spatiale là, en train de faire. Est-ce que ça serait pas un petit peu le cyberpunk du PSVR? Eh ben, c'est comme ça qu'ils le présentent. Voilà. Parce que le mot cyberpunk, autant dans leur campagne que sur leur site, ils doivent le répéter. Je sais pas combien de fois. Il parle de Oculus Quest, il parle de PSVR, il parle de Cyberpunk. L'objectif, c'est d'amener un maximum de monde sur la campagne Kickstarter. On peut pas vraiment leur en vouloir. Et en tout cas, je pense que je mettrais peut-être même des ronds dans ce projet-là parce qu'il a l'air, ça a l'air vraiment cool. Hein. Donc vous plutôt? Hyper. Ouais. Et puis je vais peut-être mettre les sous que je voulais mettre sur des campagnes Facebook sur ce jeu finalement. Salaud. Et toi, Seb? Totalement. Je pense que, en fait, quand on va passer à la PS5 en termes de jeu, on va monter d'un cran. Je pense qu'on va être surpris. Ouais, Jean-Michel Bruitage. Ah, tu le fais bien. Toi, Cyril? Oui, hypé. Et puis là, je pense que ça tordra le cou à tous ceux qui qui râle à raison de pas avoir des titres longs, on va dire. Là, visiblement, on part sur un titre ouais, du gros avec une durée de vie à plusieurs chiffres, quoi, donc en termes d'heures. Donc, ouais. Oui, bien sûr, IP, oui, IP. En espérant juste que Cyberpunk, ça soit pas striqué dans un futur proche, quoi. Ouais. On espère. On a déjà dit les titres éducatifs, on va dire, sur PSVR, il y en a pas suffisamment. Il y a quoi ? Il y a Apollo 11, t'as Titanic qui est pas mal intéressant justement si tu veux apprendre des choses sur ce fiasco naval. Et là justement, il y a Shuttle Commander qui va bientôt sortir. Est-ce que quelqu'un veut en parler de ça ? Je continue. Okay. Après c'est le seul qui a bossé, quoi. Non, disons que tu mets tous les miens en début. Ben, c'est vrai. Je t'en mets plein la gueule. Alors, on connaît pas grand chose sur Shuttle Commander. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été annoncé cette semaine par Immersive VR Education, qui sont les développeurs spécialisés dans justement les expériences VR éducatives. Ils ont déjà fait Apollo 11, qui avait beaucoup plu. Titanic, qui n'était pas si mal non plus, bien qu'il avait quelques petits soucis quand même, mais ce n'était pas une mauvaise expérience. Et donc Shuttle Commander, ça va être en fait, vous allez embarquer sur la navette spatiale pour aller faire des missions de réparation sur le télescope spatial Hubble, le vieux télescope qui est au-dessus de notre tête depuis maintenant presque 30 ans. Et donc il va falloir aller le réparer. Alors je ne sais pas, pour l'instant on a très peu d'informations. Ils ont mis une vidéo en ligne où on voit, ça fait penser un peu dans Apollo 11 quand il y avait la phase d'alunissage, que beaucoup de gens n'ont jamais réussi à faire d'ailleurs. Impossible. Impossible. Je me suis acharné dessus, j'ai jamais réussi. Et donc voilà, ça va être des missions. Il va falloir, pour se connecter à la station, il va pas falloir louper la porte de Hubble pour pouvoir se brancher dessus. On va pouvoir faire des sorties dans l'espace pour réparer tout ça, donc on aura une belle vue du globe terrestre. Et puis moi, quand j'ai entendu parler de télescope Hubble, je me suis demandé s'il n'y aurait pas une phase dans le jeu où on pourra éventuellement regarder dans les étoiles avec le télescope. Pour l'instant, on a très peu d'infos dessus, on sait juste qu'il est annoncé et qu'il devrait arriver, si ce n'est pas fin 2019, ce serait plutôt 2020, mais ça va être dans cette période-là, on va dire décembre 2019 ou janvier 2020. D'accord, très voilà. Bien. Donc on attend d'en savoir plus pour celui-là, c'est ça, IP, pas IP ? Oui, IP, j'aime bien les expériences éducatives, des moments, y a des soirs où tu n'as pas forcément envie de défourailler du zombie, donc tu te dis tiens, faire des roulettes russes. Voilà, ou de faire de la roulette russe, puis, tu te dis tiens, je vais faire une expérience, je vais me coucher moins bête pour une fois, enfin je sais que l'expérience Apollo 11, moi perso j'avais adoré. Ouais. Et puis Titanic, j'étais un peu déçu par le rendu sur PS4, mais finalement c'était très bien aussi, mis à part la cinématique de début du naufrage. Donc là, pourquoi pas, moi me retrouver dans l'espace à réparer un télescope, ouais, pourquoi pas. Ok, et toi Cyril ? Bah alors à brûle pour point, oui, IP, tout simplement parce que le thème traité, j'affectionne particulièrement. Par contre, j'aimais toujours des réserves, parce que autant Apollo 11 avait été vraiment top, mais on lui passait ses graphismes datés. J'ai pas joué par contre à Titanic. Mais graphismes datés aussi. Voilà, j'avais pas vu des vidéos que vous aviez fait, d'ailleurs toi, Sey et Laurent, j'avais pas vu d'amélioration notable. Et du bout de trailer qu'on a sur l'article, j'ai l'impression que c'est là encore. C'est moche. C'est daté. Donc c'est regrettable. Après, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu la mayonnaise du premier, à savoir Apollo 11, et qu'ils vont nous la resservir bien réchauffée avec ce titre aussi. Mais autant Apollo 11, il y avait un réel impact historique. C'était poignant. Il y avait le discours de Kennedy qui prenait aux tripes. Quand on aime le sujet, hein, bien entendu. Autant là, Hubble, ok, il y a eu le fameux comment dire, la fameuse mise en orbite réussie, mais il était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était myope, hein, le bonhomme. Là, oui. Il y avait un polissage des miroirs qui était pas réalisé correctement. Bon, ça avait été un gros fait technique, technologique, à savoir une réparation spatiale dans des conditions difficiles. Mais là, je suis pas sûr que ça me prenne aux tripes. Alors peut-être que de piloter la navette Columbia, ça va me plaire. J'espère seulement que je finirai pas comme certaines ont terminé, à savoir une belle explosion dans l'entrée de notre atmosphère. Quoi. Voilà. Donc hypé, mais avec des réserves. Oui. D'accord. Et dans VR Immersive Education, il y a Immersive, et c'est vrai que les graphismes, bien souvent sur leurs différentes expériences, c'est pas du tout immersif, c'est bien souvent un peu modélisé à l'arrache. Donc j'espère qu'ils vont booster un peu tout ça. Mais là, sur le tableau de bord là, de la navette, de ce qu'on voit, ok, des grandes plaques avec des grands rivets, des grandes vis. Bon, je sais pas, ils auraient pu faire un petit truc plus soft, quand même plus. Plus contemporain, quoi. Un peu plus réaliste, ouais. Et toi, Seb ? Bon, je suis pas hypé plus que ça, mais je me suis pas encore trop renseigné aussi sur le jeu. J'ai pas vu les captures ni les deux vidéos, donc okay. Voilà. Bah, moi, plutôt hypé, parce que j'avais bien aimé Apollo 11 et Titanic. Et malgré les graphismes, c'est vrai, assez dégueulasse, justement, je suis pas d'accord avec toi, Laurent. Je trouve que l'immersion fonctionnait super bien. Surtout sur Titanic, j'ai passé beaucoup plus de temps, en fait, à explorer que... toi, t'étais dans le sous-l'eau. Ah ouais, mais oui. J'adore ça. Mais Titanic, je l'avais pas détesté, quoi. C'était pas parce que c'est vrai que toutes les phases sous-marines, c'est plutôt bien rendu, quoi. Au niveau des éclairages, au niveau de ça rend l'ambiance est là, quoi. Ça fonctionne. Enfin, on va pas refaire le test de toute façon de Titanic, mais voilà. Donc on verra bien ce qui. C'est un jeu dans l'obscurité. Si tu lui mets la lumière, tu vois tout de suite la misère. Ah bah oui, forcément. Et il y a des jeux qui sont très beaux en pleine lumière, et là tu vois que ben, bien souvent ils utilisent l'obscurité justement pour cacher la misère. Bon, après pour Apollo 11, ils ont sorti sur la version PC la remasterisation HD, ouais. Il me semble. Version donc, HD, bon, ouais, tout à fait. J'ai pas vu le résultat, mais donc ça veut bien dire qu'ils ont quand même pris conscience qu'il fallait qu'ils fassent un effort de ce côté-ci. Donc bon. Voilà, toujours hypé avec quelques réserves. Pas changé. Ça marche. Donc on va changer de type de vaisseau, on va passer à Battle Wake avec une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il va en parler ? Ouais, bah, je vais m'y coller. Battle Wake, donc, c'est produit par le célébrissime studio Survios, qui nous a pondu Rodata, Creed, quoi d'autre encore ? Sprint Vector. Donc là, Battle Wake, c'est... Electronauts aussi, ouais. Donc Battle Wake, là, pour cette fois-ci, il bascule complètement. C'est le premier jeu qu'ils produisent où on va diriger un navire de guerre, hein, un voilier, un trois-mâts. Enfin, on est à la mi-chemin entre la piraterie telle qu'a connue notre histoire et puis le célèbre film avec Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, ouais, voilà, ouais, parce qu'il y a des Kraken, enfin, il y a pas mal de jeux. Alors. De monstres aussi. C'est un jeu qui est à la fois avec une campagne solo qui peut être joué également en coop. Donc il y a 20 missions. En gros, il y a 4 boss, 4 seigneurs de piraterie. Et pour chaque seigneur, il y a 5 missions, donc 20 missions en tout. Après, cette campagne solo ne durerait que quelques heures et le jeu serait surtout ouvert aux multijoueurs. Donc. Mais on n'a pas pu le tester parce que tout simplement la version européenne sur PSVR est tout simplement pas disponible, elle a été retardée alors que le jeu devait sortir pour la première fois par les studios sur Vios, ça devait être une première, c'est-à-dire sur multiplateforme et une sortie mondiale unique, ça a été un loupé pour l'Europe et on ne sait pas quand est-ce que celui-ci paraîtra, alors certains disent le 13, bon. Léon dit, on verra bien. Et surtout, on ne sait pas pourquoi. Donc, stand-by, affaire à suivre. Ça marche. Bon, on attendra aussi de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on a déjà parlé de celui-là, donc on ne va pas refaire ouais. Le IP, pas IP. Ok, donc ensuite, on a eu Pixel Rift 1995 qui a été annoncé. Alors, on savait déjà qu'il allait sortir parce qu'il a déjà été annoncé il y a un petit moment. Ouais. On en sait juste un petit peu plus dessus. Alors, il y avait le premier jeu qui était Pixel Rift 1989 qui était développé par Arvor. Le studio Arvor, éditeur brésilien. Brésilien, ouais, c'est ça. Ouais. Qui était plutôt bien, assez court quand même, mais qui était bien et qui reprenait justement toutes les vieilles générations de jeux vidéo. De toi, la Game Boy t'avais fait le test. Hein, jusqu'à la NES. Ouais, j'avais fait le test, ouais, je l'avais fini, j'avais bien aimé, même s'il n'était pas très long. Et là, en gros, ben, sans trop spoiler, en fait, la fin de ce premier jeu annonçait directement qu'il allait avoir une suite, de toute façon, c'était sûr et certain. Et donc, elle arrive enfin avec Pixel Rift 1995. On passe du 8 bits au 16 bits, en gros. Donc je pense que ça va être à peu près le même type de gameplay que le premier, et voilà quoi, ça fait plaisir. Si on se fait pas censurer là. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 16 bits, 8 bits. 16 bits, le nombre de bits ne compte pas, monsieur, c'est la façon dont on... Ouais, après c'était annoncé depuis le début hein, qu'il y aurait, ouais. Il y aurait des suites, puisque c'est Ana Ribeiro, que je trouve super charmante. Pas ça. qui souhaitait revisiter un petit peu les grandes phases de l'histoire du jeu vidéo. Donc bon, on a connu la première partie avec le 8 bits, on passe au 16 bits. Donc voilà, on monte en cadence. Le concept était sympa hein, de Pixel Rift. En fait, ça te mettait plus dans une espèce d'ambiance de l'époque, c'est-à-dire que tu jouais avec ta Game Boy dans la salle de classe, dans la cour de récré. Et te retrouver des sensations en fait, que tu avais quand tu étais petit, en tout cas notre génération de gros trentenaires. Et ça faisait plaisir. Et justement, je suis curieux de ça va certainement aussi changer l'ambiance de se retrouver en 95. L'ambiance un petit peu sauvée par le gong et tout, un peu kitsch. mais c'est clairement ça. Hein, tu regardes le visuel du jeu, c'est sauvé par le gong. Quoi. Donc, moi je suis hypé perso, je sais pas vous. Ouais, oui, parce que ces approches nostalgiques, c'est l'histoire du jeu vidéo, quoi. Moi je trouve ça cool. Ouais. C'est une revisite, quoi. Mm. Toi, Seb ? Ouais, carrément. J'ai pas eu l'occasion de faire le 1, mais l'idée m'a toujours branché. Ouais. Je suis un peu un nostalgique aussi, j'ai connu ces années-là aussi, et du coup, c'est un oui. Bah, l'idée est bonne, moi. L'idée me plaisait dès le départ. Donc j'ai dit, tiens, de faire de la VR, jouer dans un jeu vidéo en VR, c'est sympa quoi, quand le principe. Ouais. Donc, t'es en VR et tu joues un jeu 2D dans un jeu en VR, quoi, dans un univers en VR. Il n'y a que VR en fait, que l'idée, tu peux faire ça. L'idée est excellente et rien que ça, déjà, ça vaut beaucoup. Quoi. Donc on l'attend. Bon, on l'attend d'ailleurs, oui, il est présenté d'ici la fin du mois lors de l'événement Oculus. En marge de l'événement Oculus, là, donc on découvrira à ce moment-là le sans doute le premier trailer du jeu. Voilà, il y aura une démo septembre. En fait. Voilà, ouais, c'est ça. Très bien. Ensuite, on a Final Assault qui va enfin pointer le bout de son nez sur PSVR après être sorti sur PC. Ouais, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que toi qui soit placé pour en parler. Ça y est. Là aussi, tu as réalisé le test avec Spanx. Enfin, c'était un preview sur la version PC. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah alors, on en a déjà parlé pendant le podcast. C'est un STR où tu te déplaces avec tes mains. Tout se fait en motion gaming, c'est-à-dire que tu récupères tes petites unités. Tu peux les choisir en fait avec une espèce de une feuille de route, tu les sélectionnes, tu les mets sur le terrain, avec le doigt tu leur dis où faut passer. T'as des petits un petit côté stratégique qui est intéressant. Vraiment sympa, super joli en tout cas sur PC. Je pense que vu que c'est pas un jeu très gourmand, il sera aussi très joli sur PSVR. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que le multijoueur sera cross-platform, c'est-à-dire que les joueurs PC pourront jouer avec les joueurs PSVR. Et ça, c'est l'info importante. C'est important. Donc on pourra se mettre sur le nez. C'est ce que les développeurs ont annoncé. Le jeu va pas tarder à arriver sur PSVR. Après, c'est un objectif pour eux. Donc est-ce que ce sera fait tout de suite ou est-ce que ça arrivera plus tard? Je sais pas. Est-ce que ce sera faisable aussi? En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. En tout cas, dans le type STR en réalité virtuelle, c'est une très bonne pioche, je pense, ce jeu. Donc voilà, c'était Final. Bon, en même temps, c'est pas dur. Hein. Il y en a un qui a été supprimé, qui n'est plus là, et l'autre qui est tellement. dont j'ai fait le test. Au final, il n'y a pas trop de choix. ouais, Quark, c'était pas terrible. Et du tout. Et d'ailleurs, il y a le free to play qui a été supprimé aussi. Après le test de quoi, on t'a plus vu pendant 2 mois et demi. Il était en boule sous sa douche. Non, il y en a un, je crois. Ah oui, t'as Skyworld qui. Voilà, Skyworld. Il y a le truc avec les dinosaures qui était pas trop mal, je crois aussi. Dino Frontier. Dino Frontier. Enfin, c'est encore un peu différent. Dino Frontier. C'était pas le même style de. Ouais. Par contre, je fais le parallèle avec Quar. J'ai pensé à toi du coup l'autre jour, Sébastien, parce que je regardais la nouvelle série de Dark Crystal. Là, je fais une parenthèse hein, à nos amis qui nous écoutent. Donc il passe sur Netflix et, les bestioles dans Quer, les soldats, eh bien, ça m'a pas fait penser aux méchants non de Dark Crystal, mais la version gentille des méchants, enfin leur moitié quoi, sans spoiler la série. Et ben là j'ai vu ces bestioles là, je m'en rappelais pas du tout et j'ai dit ah ben ouais mais c'est eux, ils ont pompé le pour moi ils se sont inspirés du design de ces bestioles pour faire leur personnage. Voilà, du coup j'ai pensé à toi, tu vois. C'est cool. J'avais vu ça comme des tapirs, non, on dirait. Ouais, c'était des trucs bizarres de toute façon, c'était de toute façon voilà. Puis se déplacent lentement pas bien comme le jeu d'ailleurs, je crois. C'est ça. J'arrête d'en parler parce que je suis méchant. Ça te rend désagréable quand on parle. T'es hargneux. Ok. Est-ce que vous aimez les super-héros? Oui. Ça dépend lesquels. Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? J'en connais rien à voir. Bon, Iron Man, qui veut en parler? Je vais parler un peu si vous voulez. Allez. Iron Man est mort, hein. Alors moi je suis un... Tais-toi malheureux. Tu viens de faire un spoil. Oh, putain, on va se faire éclater encore. Putain. Vas-y. Donc tu supprimeras ça, ça y est. Dark Vador, Dark Vador est le père de Luke. Oh là là là. Cherche la merde. Franchement, dans 2 semaines on revient pas. Hein. Je pense que dans 2 semaines c'est mort. Vous croyez quoi? Tony Stark, il a été créé dans les années 60 là. Il a déjà à l'époque, il a 40 balais, c'est bon quoi, il est mort le mec. Bruce Willis, il est mort. C'est pas spoilé que de le dire quoi. Non, King Kong, il meurt à la fin. Jamais. Et Titanic, King Kong, King Kong n'est pas un singe. Non, c'est un gorille. Et voilà, tu vois. Bien joué. Un petit peu de culture. Mufasa, il meurt. Allez, mon petit Seb, tu vas y arriver, courage. Alors du coup, oui, Iron Man. Bien, moi étant un grand fan de comics, alors bon, je dis surtout de l'indépendant, mais il y a des héros que j'aime bien aussi, donc je suis régulièrement leur péripéties en graphic novel, pour mettre un peu d'anglais, parce que je sais que vous aimez bien. Yeah. tu me demandes pas si tu l'as bien prononcé par contre. Je l'ai bien prononcé. C'était très bien. Non, c'est graphic novel. C'est graphic novel. Novel. Et donc Iron Man. ça a l'air pas mal. En fait, moi j'aime bien le personnage de base, hein, ce super héros là est plutôt cool. Donc, c'est grâce à la version cinéma aussi qui a amélioré encore le personnage, mais le jeu, donc il avait pas fait très bonne impression dans les premières démos à des événements, puis là apparemment c'est un peu mieux. Enfin, j'ai lu un truc récemment là, et ça, au dernier événement, comment c'est la Gamescom. Ouais. Gamescom. Non, c'est pas ça. Non, TGS. TGS. Et apparemment là, il a fait meilleure impression et tout. C'est assez immersif et. Donc ils avaient cherché à se faire taper sous les doigts hein, quand même. State of Play, la bande-annonce qu'ils nous ont balancée, c'était un shooter, un rail shooter dans le ciel. En fait, tu pouvais être n'importe qui. C'est vrai que quand tu voyais le trailer, tu disais qu'est-ce que ça va être encore ce truc-là, quoi. Ouais, puis il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas de sensation en fait, alors que là j'ai lu tout l'inverse, qu'apparemment il faut avoir l'estomac accroché. Suite au State of Play, justement les développeurs ils sont vite intervenus pour expliquer que c'était bien un jeu et on va pouvoir aller dans la maison de Tony Stark, on va pouvoir aller dans son garage, on va pouvoir contempler ses voitures dans son garage. Et contempler Pepper Potts. Ben, ça serait bien ça. Et y aura, ça va pas se limiter à un simple, et c'est pas un rail shooter, on sera complètement libre d'aller où on veut. Donc non, c'est, au début c'était pas du tout hypé, et puis finalement je suis bien hypé. Quoi. Ça peut être pas mal, ouais. Donc t'as hypé toi Seb? Ouais, je dis oui. C'est un oui, sauf c'est si c'est oui. Nul. Hein. Non, je me retourne, voilà. Hop, Jean-Michel Bruitage, le retour. Je, fais, wow. Je tourne ma chaise. Oh, c'est un super héros, lui aussi, il est trop génial. Ouais, c'est super Bruitage. Faudrait que tu me fasses une banque de sons comme ça que je puisse rajouter après dans les podcasts. Ça pourrait être sympa. Bon, et toi, Cyril? Oui, hypé, parce que bon, mais comme Sébastien, j'affectionne les super héros. Ouais, là aussi, le petit bémol, tout simplement la durée. Il y a peu d'infos qui ont filtré de ce côté-là, voire pas du tout. Donc, ça a été soulevé par certains qui nous lisent. Donc, merci à eux déjà d'avoir laissé des commentaires sur les articles. Donc, oui, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous le voyez quoi comme durée pour ce jeu entre 4 heures? Ils ont dit que c'était pas une expérience. Donc, à partir de là, pour moi, une expérience, ça va jusqu'à 2 heures, je pense. Ouais, voilà, à peu près. Donc, logiquement, ce serait plus de 2 heures, minimum 4 heures. Ils ont annoncé 8 heures. Hein. Ah, 8 heures, ouais. Ah, bah, d'accord, ok. Bon, ce qui veut dire que ça va être un truc de 5-6 jours. 5-6 heures. 5-6 jours. Pour les acharner, en fait, faut qu'il soit assez diversifié, par contre, parce que ce qu'on a vu, enfin, ce qu'on avait vu en tout cas au State of Play, c'était l'océan avec un petit peu de côte. C'est ça. Pour l'instant, on a vu que ça. Bah c'est les récifs qui sont sous la maison de Tony Stark qu'on voit. Et c'est là où il y a le tuto, où on va pouvoir slalomer entre les rochers. Après, c'est vrai que si tout se passe dans le ciel, un coup face à courir après un Boeing, un coup... Oui, le bleu de la mer et le bleu du ciel, si t'as que ça, c'est un peu... Ouais, j'espère que ce sera pas lent, par contre, que ce sera plus rapide que Rush. Parce que, et puis ça aussi, des sensations. Ouais, ou qu'on puisse régler au moins, parce que Rush, tu peux pas changer, et c'est un peu frustrant des fois, c'est un peu lent. Nous, on veut vomir, on n'y arrive pas. Voilà. C'est ça. On va se retrouver cette sensation de bile. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même Sony qui est derrière et qui pousse. Hein. Donc, ça doit être une grosse production parce que, comme vous disiez, suite à ce fameux trailer qui est sorti de nulle part pour leur premier State of Play, il y a quand même eu des réactions négatives qui sont apparues rapidement. Et ils ont coupé les têtes de l'hydre, hein, à savoir ils ont réuni, tu l'avais dit dans un article Laurent, pas mal de journalistes américains en l'occurrence, qui ont pu essayer le jeu, et là ils en sont tous ressortis enchantés. Donc, exactement. Et je sais pas si tu te rappelles, le soir même du State of Play, le nombre d'insultes qu'il y a eu quand ils ont annoncé Iron Man, mais c'était pas forcément lié. Alors, il y avait une partie des gens qui râlaient parce qu'ils disaient c'est de la VR, je m'en fous, j'ai pas la VR. Il y avait une grosse partie qui l'ont pris Iron Man comme un jeu en monde ouvert comme Spider-Man, mais en version Iron Man. Donc, ils ont été super contents, et quand ils ont vu que c'était VR, ils ont été déçus. Voilà. Donc, ils pensaient que c'était un jeu PS4 en monde ouvert comme Spider-Man, mais à propos d'ailleurs, et c'est là qu'il y a eu une déception, et donc après, ils ont mieux communiqué dessus. Et là, craintes ont été effacées parce que moi, tout ce que j'avais peur, c'était une petite expérience de 2 heures, même pas en rail shooter. Et on avait tous pensé ça au début, je me rappelle, quand il y a eu l'annonce, on s'est dit, ça va être une petite expérience. Mais pour le coup, ce qui est super sympa, c'est que vu que Sony pousse derrière, ça laisse bon espoir pour avoir un vrai Spider-Man par la suite, qui est aussi une licence Sony, donc ça peut être vraiment cool. On se souvient qu'ils avaient vraiment bien poussé derrière aussi No Man's Sky à l'époque, et ça a été très bénéfique pour le jeu. Et puis tu vois ce que je veux dire. Tu mets le doigt sur une question intéressante, parce que Sony et Disney viennent de se fâcher au sujet de Spider-Man. Ils avaient signé un accord avec Marvel pour réaliser les derniers films de Spider-Man. Sauf que Marvel a été racheté par Disney, et l'accord ne tient plus. Sauf que les droits d'utilisation de Spider-Man, c'est Sony, c'est pas Disney. Donc les prochains films seront Sony, et ce sera plus du Marvel. Donc au niveau des jeux, c'est pareil. Là, sur Spider-Man, ils ont moyen à faire encore des choses. Ben ouais, j'ai bon espoir. Parce que là, par contre, c'est des licences qui touchent, touchent du monde, quoi. Ouais. C'est, oui, c'est, ça, c'est ça cool, touche toutes les générations. Ok, donc Iron Man. Voilà, IP. Plutôt IP, tout le monde est IP. Attention, parce que quand la IP est trop haute, la déception peut être très haute aussi. Oh, c'est beau. C'est vrai, t'es un philosophe, quelque part. Non, mais c'est vrai, rappelez-vous Ark Park. Ne te justifie pas. Oui, après, voilà, le gros souci, c'est le gameplay. Bon, c'est bien, maintenant, on sait qu'il est en 360, mais effectivement, s'il n'est pas diversifié et qu'on survole que de l'océan et qu'on voit que du ciel bleu, ça risque d'être ennuyeux. Bon, en tout cas, on espère avoir des grosses sensations avec Star Iron Man. Et en parlant de grosses sensations, il y a aussi Crazy Machine VR qui va sortir. Ouais. Alors là, il y a une anecdote dessus, Sébastien, je crois. Comment ? Tu connais bien cette licence. Oui, alors, si ma mémoire est bonne, j'y jouais quand, sur Windows 95 ou 98, je ne sais plus, mais un très vieux PC, vieux et gros, et moche, mais là n'est pas la question. Mais on l'aimait quand même. Et à l'époque, eh bien, donc c'était avec mon prof de SVT, de temps en temps, on allait dans cette salle pour faire du Crazy Machine et faire voilà, tourner nos méninges. Et j'en ai gardé un bon souvenir, en fait, c'était un bon petit jeu pour l'époque de réflexion, voilà, on devait résoudre des petits problèmes, quoi, faire fonctionner des machines, ce genre de choses, en reliant par le biais de fil des machines entre elles, ou des trucs. Je crois que tu avais des objets à ta disposition, tu devais les placer... etc. Ouais, et donc là j'avoue que j'étais surpris quand ils ont annoncé ça en VR. Je sais pas du tout quoi en penser. Je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas si j'aurai encore la patience aujourd'hui de jouer à ça. Ça peut le faire, je pense, ça peut être sympa. Moi c'est typique, ces petits trucs là, c'est pas sérieux, c'est plutôt ludique, c'est plutôt au contraire, tu peux passer si le gameplay est original, et ça peut vraiment bien fonctionner. C'est un puzzle game, quoi. Complètement. Ouais. Juste pour terminer la présentation, donc c'est un jeu, on en avait déjà parlé en mars 2018, et c'est développé par Wild River Games et Perp Games. Et il est prévu pour le 18 octobre, quand même. Donc c'est dans pas longtemps. En version physique, en plus. Version physique. Il y aura 40 niveaux différents, ce qui est plutôt pas mal. 40 euros aussi, non ? On verra. Certains ont fait pire. Oui. On verra aussi. On verra. Et ouais, moi j'avais essayé aussi les premières versions de ce jeu-là, les deux premières versions d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est super cool, en fait. Ça, après, c'est, tu places tes éléments et comment on appelle ça déjà, c'est comme les dominos, en fait. C'est une réaction en chaîne, voilà, qui se produit devant toi. L'effet domino. Pour arriver à ton objectif. Un effet papillon mécanique. Tu prends plein d'objets et puis en faisant tomber une balle, la balle va tomber dans un panier qui va tirer une corde. Et il faut inventer des mécaniques comme ça pour arriver à la fin du niveau. C'est ça. Et couplé justement à un modèle physique, enfin un moteur physique intéressant qu'ils peuvent apporter aussi en VR, je pense que ça va être. Moi je suis grave hypé, en fait, parce que ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Je pense que ce truc là je vais le prendre. Ouais, en fait vous aimez bien vous torturer les méninges, quoi, enfin le cerveau, quoi. Déjà c'est que ça. Facebook il te tire le cerveau dans tous les sens. Non, toi en plus tu vas te racheter un jeu derrière pour faire ah ouais, il faut que j'équilibre là, il faut que je compense. Oui, mais si je parle sur Facebook de petites balles qui mettent tout ça, je vais pas me faire striker là. Attends, si tu veux te tricher à l'esprit, prends le jeu là. Il y avait le jeu dont j'avais fait le test. Ça, pour le coup, c'était vraiment triturage d'esprit. Ah ouais, ça me parle, c'est un truc. Ouais, avec des clones là, tu faisais des clones de toi-même. Je sais plus le nom. Pour aller actionner des choses, et moi aussi je galère. Pulse, non, il n'y avait pas Pulse dedans. On va trouver vite fait. Voilà, merci. Ouais, je vais chercher. Ouais, ça me parle là. Il y a Pulse dedans. Pulsion sexuelle. Non, c'était pas ça. VR, pulsion sexuelle. VR. Je crois que c'était en un mot. Transpose, voilà. Transpose. Ah ben, il n'y avait pas Pulse. Il y avait Trans dedans. Transpose, la manipulation du temps testée sur PSVR. Voilà. Ça, c'était bien prise de tête. Ouais, mais c'est moins coloré. Hein. Quand si c'est pour me prendre la tête dans un ambiance glauque, pouf. Moi, j'aime bien me prendre la tête quand c'est coloré. Quand c'est joli. Ouais, puis là, apparemment, t'as différents environnements, donc pour casser un peu la routine. Quoi. Ils peuvent faire vraiment plus vraiment ce qu'ils veulent quoi, au niveau des environnements différents. Ça peut être plutôt diversifié. Ouais, je vous le laisse en tous les cas, c'est pas pour moi. Ça. Avec plaisir, mon petit Cyril. Donc, Crazy Machine VR, c'est bien et il faut réfléchir un petit peu. Un autre jeu, Carly and the Reaper Man. Ouais, alors Carly and the Reaper Man, c'est, on vous en a parlé, c'était il y a plus d'un an déjà. Et là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, le studio a tweeté comme quoi le jeu sortirait à compter du 2 octobre, et aussi bien sur le continent américain que le continent européen. Donc, on sera servi encore une fois en même temps, et c'est une bonne chose. C'est bien. Ouais, ça fait plaisir. Le jeu est déjà sorti. Comme Battlewreck. Ouais. Oui, ils avaient dit ça hein, sur Bios. C'est ça, ouais. Par contre, là, contrairement à Battlewreck, le jeu est déjà sorti sur PC depuis plus d'un an également. Donc, il est sorti le 19 juin 2018. Donc, là encore, on avait fait un article il y a de ça plus d'un an. C'était justement le studio qui avait tweeté comme quoi, ils pensaient bien sortir le jeu sur PSVR, mais le temps a passé et puis tout simplement on l'avait oublié. Sauf que là, ça y est, c'est officiel. Ils ont tweeté. Il y a même un trailer avec la date officielle de lancement sur PSVR qui est sorti. Donc, plus que quelques c'est jours quoi, comme attendre. Genre, c'est un jeu de plateforme, c'est ça? Ouais, voilà, un jeu de plateforme. Ouais. Jouable en coop. Jouable en coop, alors donc ouais. Avec. Mais en local. En local. Avec le casque et l'autre avec la manette. C'est ça. Ouais. C'est asymétrique en fait. Hein. Voilà. C'est super cool ça. Je sais pas si tu peux jouer par contre en coop avec l'IA si t'as pas d'amis par exemple. Je sais pas. Ouais. Fais bien de poser la question, effectivement. Bah, ça peut être utile. écoute, on verra bien. C'était seul. Oui, remarque, c'est pas idiot hein, ce que tu soulèves comme question. On verra. Là, je sais pas te répondre pour le moment. Ils en ont pas communiqué. Après, ceux qui ont pu le tester sur d'ailleurs, ça recherchait puisque le jeu est sorti déjà sur PC. Comment ça se passe quand on joue tout seul? C'est mode solo ou local en coop. Donc tu peux jouer en solo. Donc voilà. Okay, c'est bon, t'es sauvé, mal. Seb. Ouais. Donc ça tombe, t'as même c'est pas de ça. Compagnon dans ce cas-là. Tu te débrouilles. Ouais, non, tu dois c'est... jouer à la première personne, ouais, sans doute. Ouais. Et par contre, là, sur la version PC, ce jeu dure plus de 10 heures. Et tu as 50 niveaux de jeux de plateforme. Donc là aussi, je pensais que c'était quoi... un petit jeu, moi. Ouais. C'est plutôt bien. Bon, voilà. Et l'histoire, c'est tout simplement qu'il faut parcourir des niveaux et sortir de ce monde de morts-vivants, en fait, pas de morts, ouais, Underworld, voilà, parce que le titre de jeu, oui, c'est bien Carly and the Reaper Man, Escape from the Underworld. C'est pas mal, on sent que t'as hésité quand même. Ouais, c'était pas mal. Ouais, je voulais pas me faire taper sur les doigts par Sébastien. Il y a quelque chose de Tim Burtonien sur les arrière-plans, sur les backgrounds du jeu. Il y a beaucoup de spirales qui sont dans tous les sens, un peu à la... À la parfois, Jack, oui, Skeleton. Quoi qu'il en soit, le jeu a été bien réceptionné sur les plateformes PC VR, donc j'espère que le portage sera réussi sur PlayStation VR, ça serait cool. Parce que je crois qu'il avait été comparé à sa sortie un petit peu à Amos. Donc, à juste titre ou pas, je sais pas, mais... Parce qu'il y a pas mal d'énigmes. C'est ouais, il avait été comparé un petit peu lors de sa sortie, donc, ouais. IP, pas IP. C'est le style, si ça ressemble à Moss, moi, je dis oui tout de suite. Moi, j'ai dit pourquoi pas, ouais. À voir. Et toi, Cyril? Jeu de plateforme en VR, pourquoi pas, ouais. J'ai bien aimé Astrobot, donc... C'est vrai. Ça fait, ça donne envie en tout cas. Et puis surtout qu'il y a une bonne durée de vie, donc on va pas bouder notre plaisir. Ouais. Enfin, une belle nous transition, avons. Du coup. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça peut revenir à l'infini, comme dans une journée sans fin, avec Groundhog. Day like father like son. Groundhog. Bill Murray. C'est le jour de la marmotte. Alors, qu'est-ce qu'ils vont parler de celui-là? Qu'est-ce qui est fan de Bill Murray? Le film est pas mal. Tout le monde est fan de Bill Murray en même temps. Alors, Le jour de la marmotte, voilà. C'est la version québécoise. Groundhog Day, c'est américain. Et en France, ça avait encore un autre nom. C'était Un jour sans fin. Ah, avec Bill Murray. Donc c'est un film qui a adapté et Andy McDowell, c'est un jeu qui était très bien d'ailleurs. Donc l'idée du film, c'est une personne qui va faire quelque chose de pas bien et il va être puni, et donc son radio réveil à partir d'un moment tous les matins, il va se réveiller et vivre exactement la même journée à répétition. Donc la première journée, il la passe normale, la deuxième journée il s'aperçoit que c'est la même que la première, et après en modifiant des petites choses dans sa journée, il s'aperçoit qu'il va pouvoir et donc son objectif c'est de draguer Andy McDowell, et à chaque fois elle lui met des baffes ou elle fait tout pour et lui, en modifiant quelques petits détails de sa journée, et après il sait que s'il dit ça il va se prendre une baffe, donc il essaye autre chose, et au bout de 50 jours il y arrive forcément. Donc voilà le concept du jeu, le concept du film c'est ça. Maintenant qu'est-ce que ça va être le jeu, c'est pas spécialement mais ça va être une histoire d'effet papillon. En modifiant des petits éléments, on va pouvoir modifier le cours du jeu. Ça paraît logique que ce soit quelque chose comme ça. On sait pas non plus la durée. Est-ce que ce sera qu'une petite expérience sans fin, normalement si... Normalement sans fin, c'était suffisamment mauvais. Mais, disons que le concept du truc est bon. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais c'est intéressant. Enfin, moi, c'est un truc, ça peut m'intéresser. Alors, deux petites infos, c'est que déjà il sort le 17 septembre sur tous les casques. Donc bientôt, 5 jours. Ouais, c'est tout bientôt, et qu'on incarne le fils de Phil Connors, justement. Donc on est le fils de Bill Murray, et rien que pour ça, moi je suis hypé. On est Phil Connors Junior. Junior, c'est ça. Ils sont pas creusés. Ça fait... Ouais, c'est un petit peu comme une suite, en fait. Et par contre, dis-nous le nom de la ville, là, de Pennsylvanie. Pennsylvanie, je crois, un truc comme ça. Attends, Pennsylvanie, je crois, ça se prononçait. Enfin, en tout cas, en version française, moi j'ai pas... Excellent. En Pennsylvanie. Ouais. C'est, ouais, il c'est tellement poncé, c'est Punxsutawney. En Pennsylvanie. Tony Montana, yeah. Mais ceci, ça peut être sympa, ce truc. J'aime bien l'histoire. J'aime bien le système du jeu. Il peut y avoir... Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire, c'est ça. Alors là aussi, dans ce jeu, il y a quand même Sony Pictures Virtual Reality qui est derrière. Et c'est un jeu dont personne parle. Très peu, hein. C'est vrai que jusqu'à dernièrement, perso, j'étais passé complètement au travers, il y avait très peu d'infos qui avaient filtré dessus, et apparemment ça serait quand même une grosse réalisation, donc à voir. Ça fait un petit peu penser au vieux jeu de Telltale, justement, le style graphique, ouais. Très, très cartoon, très coloré, ouais. Donc, ça peut être sympa, et après au niveau du gameplay, je pense que ça va jouer un petit peu sur un petit peu comme... Comment s'appelle ce jeu-là avec les deux gamines, avec les musiques que j'aime bien? Life is Strange. Merci beaucoup de Life is Strange. Merci à ma mémoire vivante. Et ouais, tu vas changer des petits éléments en fait, du passé pour changer le futur en connaissant les tenants et les aboutissants. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Je suis plutôt hypé, moi, perso. Ah. Moi j'aimais beaucoup Life is Strange, mais celui-là, je sais pas, c'est pas le même genre. Mais celui-là, non. Mais pas... non, les musiques que t'aimes bien, c'était pas Life is Strange, c'était The Last Day of June. Il y en a plein, il y a plein de musiques que j'aime bien. Et oui, le jeu que tu parlais, c'était c'est pas celui-là, c'était pas The Last Day of June. Non, Steven Wilson, bien qu'un compositeur. Oui, c'est oui, ça. Oui. Et voilà, ça va être. Si c'est ça en VR, je vais m'éclater perso. Parce que au cours du triturage de méninges. Ah ouais, tu fais une histoire, tu t'aperçois qu'en modifiant un truc, si deux personnes se parlent, ça va influer autre chose, et il faut tout faire pour que les deux personnes ne se parlent pas, et puis après c'est excellent. Après tu pars dans tous les sens pour. Après avec ce type de gameplay, il y a aussi un piège de game design qu'il faut pas. Faut pas que les développeurs tombent dedans, c'est qu'on voit trop les ficelles en fait. Ouais. Justement, que ce soit beaucoup trop mécanique, faut que ce soit suffisamment organique justement pour que c'est une influence, mais peut-être tu n'arrives pas à cheater en fait le jeu en comprenant les trucs de base, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai déjà ressenti ça justement dans des trucs, dans des gameplays de ce type là. Il faut qu'ils arrivent à noyer le spectateur, enfin le joueur, donc qu'ils rajoutent des tonnes de voix sans issue pour c'est ça, ouais. C'est ça, donc on verra. En tout cas, voilà, c'était hype. Oui. Pardon, je me permets, puisqu'on a parlé musique, alors je sais qu'on n'avait pas spécialement prévu d'en parler, mais ça me revient, et il y a Audica qui a été annoncé sur PSVR et qui sortira d'ici la fin de l'année, là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Lequel est-ce à couper ? Audica. Audica. Ah, Audica, les prothèses... non, ouais, justement. c'est un jeu de rythme tir et développé par Harmonix. Ceux qui sont derrière les Rock Band et les Guitar Hero. Donc pas des manches, son jeu de mots. Ouais. donc voilà, je me suis dit, tiens, on pourrait lui dire quelques mots. Enfin, on pourrait en dire quelques mots, pardon. Ouais. Et il a l'air plutôt sympa, je sais pas si vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. C'est très néon, il me semble, non ? En fait, c'est un peu un genre de Beat Saber version tir, quoi. En fait, t'as un pistolet de chaque couleur dans chaque main, enfin, deux couleurs différentes, et des cibles en fonction, et il y a des mouvements aussi qui vont être des fois plus longs à faire, ce genre de choses, tout rythmiquement. Alors que c'est encore un jeu pour maigrir, quoi. Certainement. Ouais, c'est très en vogue, ouais. Ouais. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ok, et eh ben merci Sébastien pour cette petite parenthèse musicale qui va nous permettre en même temps d'écouter un petit peu le son que ça doit être en train de passer en ce moment même. On termine le listing des jeux dont on voulait parler avec Witching Towers. Non, Tower. Pardon, Witching Tower, il n'y a pas Tower. De S. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Witching Towers ? Tower, putain, je vais pas y arriver. Bah déjà, il sort dans pas longtemps. Ouais. Ce serait pas une tour avec des sorcières ? Non. Ah, futé. Il est bon, le mec. T'es bilingue, toi, non ? Pas à l'aise, le gars. Ouais, bah là, on est encore une fois dans l'esprit médiéval, heroic fantasy. On va buter du squelette médiéval. Voilà. Mais c'est Undead Citadel. En plus, il risque fort d'arriver en même temps avec Undead Citadel. Après, je vois pas la nuance. Non, là, il sort d'ici peu. Hein. Il sort le 17 septembre. Hein. Ouais. Mais Undead Citadel était en test à la Gamescom. C'est pareil, il arrive sous peu également. Oui, en version PC, ouais, exactement. Ouais. Ouais. La version PSVR est pas finie. Je sais pas si c'est judicieux d'envoyer les deux titres en même temps. J'aurais été à la place d'un des deux studios, j'aurais attendu qu'il y en ait un qui passe avant. Il risque de se confondre en fait. Ah, c'est ça, il risque d'être comparé et le meilleur des deux va écraser Là, je te coupe l'herbe sous le pied de suite. Ah. Il est déjà sorti sur PC, donc vu qu'il Undead sort. Citadel. Non, Witching Towers. Ah. Tower, pardon, décidément. Donc, je suis pas le seul, c'est bien. Il est déjà sorti, donc. D'accord. Donc, comme Undead Citadel va sortir. Soi-disant prochainement sur PC, vu qu'il n'y a pas de version PSVR dans l'immédiat, puisqu'elle n'est pas finie. Bon, je pense que le timing est good. Attends, 3D Rudder à la Gamescom avait une version PSVR de Undead Citadel en démo. Hein, non, qui tournait. PC. C'était sur PC ? Ah, ouais, ouais, ouais. La version PSVR n'est pas finie. Non, autant PC. Pour moi. Ouais. Ah, j'avais cru comprendre que c'était PSVR. Non. Non, non, il y avait 3 postes concernant les jeux PSVR et un poste pour Undead Citadel. C'était une première mondiale, il me semble, d'ailleurs. Ouais. Mais c'était sur une version PC. Voilà, donc du coup, voilà, le timing, même si le jeu sort le 17 septembre prochain, le timing est bon. Voilà. Mais donc, oui, ça fait penser un peu à Indes aussi. Mais pas que, puisqu'il y a quand même des énigmes à résoudre. Donc... ouais, je dirais bien que ça fait non pas un jeu d'échecs, mais comme dit qui dit tour, ça me fait penser à la reine, vu qu'il y a toujours une méchante reine maléfique qui a piqué notre trône. Donc voilà, il y aura des énigmes pour piéger nos ennemis, il y aura du combat, on pourra développer nos pouvoirs magiques. Y a pas mal de choses à faire, ça a l'air sympathique. Ouais. C'est joli. Les visuels sont beaux. Donc, ouais, ça a l'air chouette. Mm-hmm. Après, voilà, okay. faut toujours être fan de ce genre. Hein, ça aussi, c'est toujours pareil. Mm. C'est vrai que c'est toujours des super trailers, et après ben c'est soit la douche froide sur PSVR, soit une parenthèse là-dessus à propos de No Man's Sky par exemple, on attend toujours la version PS4 Pro. Witching Tower ou Undead Citadel, ils vont être les trailers sont particulièrement jolis. Undead Citadel, ils ont rajouté des flous d'arrière-plan pour qu'il y ait plus de profondeur dans le trailer. Ça n'existera ni sur PC ni sur PSVR. Ouais, donc voilà. Après, qu'est-ce que ça c'est le souci. Celui qui s'en sortira le mieux sera le plus joli, le plus beau gameplay à suivre. Le plus diversifié. Voilà. Aussi. Et toi, Seb, t'en penses quoi de celui-là? Bah pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça dépend du rendu, ça dépend aussi du gameplay, si c'est assez varié, si c'est pas que tabasser du monstre ou si c'est pas que résoudre des énigmes, si c'est bien balancé quoi. Ça peut être intéressant, c'est à suivre. Donc, ouais, le fait d'upgrader tes pouvoirs aussi, c'est sympa quoi. Petite composante RPG, après moi j'aime bien le style gothique un peu de l'ambiance. Ça a l'air très justement, la tower, elle a l'air plutôt bien designée, avoir une bonne ambiance, donc ça peut être sympa. Quoi. Bah, moi perso, là où je les attends vraiment, tous ces jeux, c'est du combat à l'épée, mais plus intelligent que Skyrim, où tu mets un coup, ou même que DWVR ou des jeux comme ça, où tu mettais, tu tournais le dos au type, tu gigotais ton PS Move juste devant le type et tu le dégommais. Ouais, c'est pas fait pour au départ non plus. Donc. Non, mais est-ce que c'est possible? Parce que je sais qu'ils ont eu le souci sur Golem aussi, mais ça serait super bien d'arriver à faire un soupçon de. Je dis pas qu'on va avoir un super combat à l'épée sur PSVR, mais à mon avis on peut aller plus loin que ce qu'ils ont fait dans Skyrim un truc à la For Honor mais en VR quoi. De pouvoir contrer les attaques et de pouvoir qui est quand même les combats ça doit être super compliqué à, moi qui aime bien faire des énigmes de jeu, il y en a un comme ça qui a été annoncé aussi, dont on n'a pas vu grand chose, avec un super style graphique et des combats qui ont l'air justement assez axés là-dessus, les contres et tout ça. Mais voilà, à vous de trouver quand vous voudrez. Bonne chance. Comment il s'appelle? Là, tu nous fais des blind tests en décrivant les jeux. Qu'est-ce qui description du jeu. Moi ça me fait rêver d'un ce que tu viens de dire Laurent, un Bushido Blade. Ah ouais. En VR, putain, comment ça tuerait ça justement, où c'était des combats. Tu puisses contrer. C'est ça que je recherche en fait en VR. Pour l'instant, j'ai pas encore. Je sais pas si vous avez mémoire d'un jeu où les combats au sabre étaient efficaces. Avec les PS Move, c'est compliqué. Quoi. Ouais, c'est ça aussi. Bah par exemple DWVR, tu te balades les yeux fermés, t'entends un truc grogner, tu gigotes ton move, t'as tué le type. Voilà. Donc et Skyrim c'était un peu le même effet aussi. Tu fais un peu n'importe quoi et allez hop. Until you fall. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Tu vois. Hey, bravo. Tu as gagné le droit de rejouer. Bravo. Et tout à fait. Ouais. Il a un bon style graphique et je sais pas si je sais pas pourquoi il est attendu. Je pense qu'on sait pas encore grand chose, mais il avait l'air sympa. Sur PS6 lui non. Sur PS6. Non, Pro. Le PS6 Pro. C'est Shell Games qui développe le jeu. Je crois qu'il est sorti sur PC déjà en août. Ah, c'est possible. Il me semble. Ouais. Il se réservait le droit de développer sur d'autres supports, donc il serait en passe de l'être sur PlayStation VR, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas du coup. Ouais, c'est du combat au corps à corps, c'est... ouais. Oui, alors par contre, au niveau du design, on bascule dans autre chose quand même, hein. C'est à peu près la même... Ouais, tu dois contrer tu dois parer les attaques de tes ennemis, tout ça, ouais. Ça a l'air plus stratégique, quoi, un peu plus réfléchi comme gameplay. Ouais, c'est encore différent, mais je faisais référence à ce jeu parce que, là, t'as des contres et tout ça. Mais Witching Tower, on verra. C'est vrai que Trickster, c'est pareil, tu pouvais te protéger, mais c'était. En gros, t'agitais le bras devant pour tuer les monstres, quoi. C'était un peu. C'est vite lassant, quoi. Ouais, c'est ça. T'as vraiment l'air d'un gogol quand tu fais ça, quoi. C'est gênant. Tous les jeux, hein, tu vois, Sairento, c'est pareil. C'est super compliqué, ouais. Ah, ça irait mieux encore, on le ressent moins parce que t'as les démembrements, tout ça, ça passe mieux. Ah, c'est, ça irait mieux, c'est pareil. Hein. Tu t'es devant, tu gigotes ton move et hop. Bah, c'est ça, ouais. Mais ça fait des rondelles. Mmh. Alors que tu gigotes ton move et puis voilà, t'as tant qu'il meurt. Et... C'est ça. Là, tu donnes trois coups, hop, t'as trois morceaux. Localiser les dégâts, en fait, comme faisait à l'époque Soldier of Fortune, ça serait. Exactement. Mais avec une épée, ça serait. J'allais dire cool, c'est pas cool de démembrer, mais moi ça serait plus en virtuel, vite, c'est pas bien grave. Virtuel. Ouais, ouais, moi je pense que sur la version actuelle du casque avec les contrôleurs qu'il a, voilà, c'est surtout on va encore pointer encore du doigt les contrôleurs, ça sera compliqué. Ah, les contrôleurs fonctionnent bien des fois, hein. Tu prends des jeux Des fois, c'est ça, voilà, tu l'as dit, des fois. Tu prends le jeu de golf là y en bah, a qui, moi qui... pas du tout alors là tu vois j'ai, on en a parlé sur le dernier podcast Everybody Golf VR ouais, c'est ça. Ah ben moi écoute j'arrive pas à jouer là j'ai le club qui est à 30 cm du sol je tape dans le vide en permanence c'est bon quoi c'est faut tout recalibrer alors il y a les moves mais il y a aussi la détection de la caméra qui peut être capricieuse donc faut qu'il fasse autre chose. Peut-être aussi un problème de nullité aussi, je pense. Oui, pas de problématique. Mais oui, mais tout est possible. Ouais, c'est pas faux. Il y a pas mal de facteurs, tu vois. Ouais, mais j'ai joué sur PS3, j'étais pas mauvais avec les moves. Alors bon, il y avait bien quelque chose, quoi. Ouais, j'ai vieilli depuis. Ouais, ça. Bon, en parlant de nullité, est-ce que je vais parler du jeu que j'ai testé? Oui. Bah oui. Spice. Un grand oui. Spice and Wolf VR. Alors, c'est développé par Spicy Studio, c'est sorti le 5 septembre. C'est une adaptation en fait d'une série, d'une licence en fait de romans pour jeunes adultes, manga. Il y a eu des OAV qui sont sortis, il y a deux jeux de drague qui sont sortis sur Nintendo DS pour ce truc-là. Et on suit les aventures dans un monde un peu bucolique, un peu à la. Un petit peu à la Seigneur des Anneaux quoi, c'est fantastique médiéval quoi. Et on suit donc Laurence qui est un marchand itinérant et son acolyte de voyage qui s'appelle Olo, qui est en fait une divinité mi-louve, mi-gamine, enfin qui s'est transformée en gamine. Et donc ils vont voyager comme ça parce qu'elle doit se barrer de son village où elle exerçait un petit peu ses talents pour les récoltes et donc voilà et donc c'est ce jeu là Space and Wolf VR c'est tu passes une nuit en fait dans un espèce de moulin, ça se passe vraiment au milieu de l'histoire et c'est une discussion qui dure 22 minutes, c'est le temps d'un épisode de la série et on discute en japonais sous-titré anglais voilà, pas de français. Pas d'anglais non plus sur les voix, mais ça, à la limite, c'est pas plus mal d'avoir les versions japonaises. Et voilà. C'est tout. Et c'est d'heure 22 minutes. Et ça coûte. Donc, et attends, moi, je vais quand même pas. Attends, avant d'arriver au prix, c'est qu'il faut quand même dire aussi. Donc, c'est plutôt joli, c'est vraiment super joli. Mais bon, il y a qu'une seule pièce et puis il se passe pas grand chose hein, finalement. Il y a quelques effets de temps en temps, mais c'est pas folichon. Une fois que t'as terminé en fait cet épisode, et ben t'as le mode interaction qui se débloque. Et là, bah, tu tombes dans la même pièce avec Holo, donc la gamine louve qui est en face de toi. Et tu dois lui caresser la queue, lui caresser la tête, regarder à droite à gauche pour trouver des bouts de pain, pour qu'elle te raconte des trucs à propos d'une échelle, d'une porte, d'une petite pièce. Et t'as plein d'actions comme ça à faire. Et donc là, avec ta manette, avec la détection de mouvement de ta manette, et ben, tu t'interagis comme ça, avec ton regard aussi. Avec la demoiselle et voilà et là c'est terminé et donc t'as terminé le jeu en 30 minutes, t'as fait vraiment le tour et ça coûte uniquement 38,99€ donc c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, t'étouffes pas. et voilà je comprends pas même en étant fan en fait je comprends pas que tu puisses acheter ce genre de soft. 22 minutes 39 balles. C'est ça. On tient un record, je crois. Ouais, je pense. Hein. Alors, c'est peut-être une erreur. En tout cas, j'espère que c'est une erreur parce qu'il coûte. Il est déjà sorti sur PC. 3,90€. Ils ont oublié la virgule. Ah, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Parce que encore voilà, 5 balles, ça peut valoir le coup si t'es vraiment fan de la licence, mais. Ah, ils ont rectifié le tir depuis, hein. Il est sorti le 5 septembre et il est toujours à 38,99. Donc c'est une arnaque. Donc c'est une arnaque, pure et dure, pure et simple. Il est sorti aussi sur PC, il me semble qu'il est à 25€, je crois. Surtout que leur campagne de financement participatif a été un succès et qu'ils ont annoncé que grâce au pognon qu'ils ont engendré, ils vont sortir le 2. Ouais. Ouais. Alors peut-être que le 2 sera compris dans le prix. Ouais. Ouais. Je sais pas, une mise à jour gratos, hein. On sait jamais. Mais en l'état, waouh, ça fait mal au, ça fait un petit peu mal au Hulk, hein, quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous êtes hypé? Bah non. Non. Non, pas du tout. Et puis après avoir vu ta vidéo, encore moins, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Donc ouais, il y a le test sur le site. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que comme tu dis, il n'y a qu'un seul décor, quoi. C'est une engueulade. Alors, c'est cool que ça soit en japonais, parce que ça envoie, quoi. Une engueulade, ouais, en japonais, ça fuse, hein. Il n'y a pas qu'une engueulade, tu vois, c'est une explication. C'est les personnages qui s'aiment bien, tu vois. Les animations sont super jolies aussi. Ah oui, tu lui caresses la queue à un moment. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est très. C'est, d'ailleurs, à un moment, tu lui caresses la tête et elle est penchée vers toi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire, ouais, ouais. Alors, sur la vidéo, je voulais faire une histoire salace et puis je me suis dit, quand même. Mais 22 minutes de blabla, en plus, visuellement, il n'y a rien d'extravagant. Il est épuré, mais il est très joli. Il est très net. Ah bah, il est très net, mais il ne se passe rien, quoi. Tu restes dans ta grange, quoi. Il y a des très jolis effets de lumière. J'essaie quand même de lui trouver des points positifs. En VR, je veux me retrouver face à un titan de God of War, par exemple. J'ai pas envie de rester dans une grange à écouter une fille déguisée en louve. C'est ça. C'est ça. Donc là, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Alors, vous pouvez voir le test. Après, c'est le prix. Vidéo. Le prix, c'est le plus choquant dans l'histoire. Ouais. Alors, à moins qu'il nous prépare, on sait jamais. Plusieurs épisodes comme ça, compris justement, et que ça serait un bundle sans qu'on le sache, tu vois. Des mises à jour gratos, mais j'y crois absolument pas. Communication, c'est pas malin, là. Ouais, non, j'y crois pas, là. Et je suis un peu embêté parce que justement, j'avais quand même de l'espoir sur ce jeu-là en regardant. J'avais pas testé la version PC, mais ça m'avait l'air sympa, tu vois. Un truc, un genre manga où tu pourrais avoir des interactions, bouger un petit peu, suivre une aventure, tu vois, avec ce style graphique qui est tout mignon. Qui avait l'air de bonne facture, qui est de bonne facture, mais finalement il y a zéro interaction, quoi. C'est lamentable. Surtout, mets-toi à la place du mec qui a jamais suivi la VR, qui vient de se prendre un PSVR sur sa console. Il est fan de manga et tout ça, il voit ça, il dit putain, à 39€, je vais avoir un super jeu. Et puis au bout de 22 minutes, il dit mais c'est ça la VR. C'est la douche froide. Et le PSVR, voilà à cause de quel style d'expérience le PSVR finit dans un tiroir. Parce que les types, ils tombent sur deux ou trois titres de ce type et ils se disent mais c'est quoi cette arnaque, quoi. Je comprends pas. Et ce que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est du troll ou pas, mais quand tu regardes un petit peu les évaluations sur Steam de la version PC, en fait les évaluations elles sont toutes très positives. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui suis con, hein. Il y en a qui disent un très bon jeu VR, il a joué 0,6 heures. Combien? 0,6 heures, ouais, ça fait à peu près 40 minutes, quoi. Ouais. 35 minutes. Ça a été loin. Ouais. Il y en a qui disent ouais c'est trop bien, on peut caresser la tête de Holo. Ouais, mais c'est peut-être des fans, quoi. C'est des fans. C'est le symptôme de Grand Cruise et compagnie. C'est vraiment les gros fans où c'est comme les Spider-Man gratuits. Les fans de Spider-Man sont contents de se retrouver dans la peau de Spider-Man 5 minutes. Sauf que ça c'est gratuit. Et là on balance 40 balles. Donc voilà, 40 balles. Et donc voilà, sur Steam, il est à 20€. 20,99€. Bah, là aussi, il y a un problème. C'est pas normal que sur Steam, il soit moins cher. Ouais, il est sorti avant, et de toute façon, les jeux sont toujours moins chers. Donc. Ouais. Voilà, donc Spatian Wolf VR, fuyez, pauvre fou. Alors, à moins que vous soyez vraiment maso et que vous adoriez la licence, pourquoi pas, mais non, même pas en fait. Donc, non, faut surtout pas prendre ce truc là. Là, comme tu dis, on est en VR, mais le jeu il est jouable aussi en écran plat, hein, il me semble. Il est jouable en 2D, en tout 2D. À fait. Et là, tu te dis aussi 40 balles pour 20-22 minutes. Bon. Bah, je pense que la carotte est encore plus grosse, tu vois. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que la VR, ça t'apporte au moins l'immersion de la pièce, quoi. Alors que là, en 2D, t'as rien du tout. Quoi. Super. Un peu plus d'immersion. C'est abusé, ouais. Donc voilà, tous les détails sur le test. Et puis. Bah là, tu vois, il y aurait le jeu de la roulette russe. Je jouerai, là. Ouais. T'es serré. T'entrais ta chance. Ouais, ouais. Ok. Une petite parenthèse sur le test de No Man's Sky. Donc, vous avez dû vous rendre compte qu'on était en retard sur le test de No Man's Sky. La raison, on s'était expliqué sur Facebook quand on avait un groupe. Donc, c'est en fait le jeu est sorti cet été, mais il était quasiment identique sur PS4 et PS4 Pro. Donc, aucun patch PS4 Pro. Plutôt que, ben forcément. C'est un jeu qui est quand même excellent, qui est super vaste, qui est immense, à part Cyril qui a des bugs apparemment. Nous, on n'a pas trop de soucis. Mais on s'est dit, ben, c'est un jeu qui peut facilement arriver dans les incontournables de VR 4 Player. Seulement, ben, on attendait justement une version PS4 Pro. Et apparemment, pour l'instant, ben, personne n'en parle de cette version PS4 Pro. Donc, je ne sais même pas si elle va arriver un jour. Donc, je pense qu'on va lancer le test sans tarder. Et puis, tant pis, on va le noter dans sa version actuelle, qui est quand même relativement floue par rapport à ce qu'on peut trouver sur PC. On sait que sur PS4 Pro, il aurait pu être beaucoup plus joli. D'autant plus que les deux versions PS4 et PS4 Pro sont quasiment identiques. Donc, voilà, voilà le retard de No Man's Sky. On va s'y mettre dessus, on va pas attendre 6 mois d'avoir cette version, hein, on va le noter dans l'état. Bon, après, on n'a pas l'habitude de revenir sur nos notes parce qu'on a autre chose à faire. Donc, on avait laissé un peu de temps, mais bon, ça vient pas, donc tant pis, on va noter comme ça. Voilà, petite parenthèse. Ok, donc soyez patients, et puis ça viendra de toute façon. On n'a pas parlé de 4 locaux, de 4 VR. C'est quoi ça? Un truc de chat, non, c'est pas vrai. le système donc, de voilà 4 locaux. Alors en fait, bah, tout le monde connaît le 3D Rudder, on en a parlé pas mal, mais il y a différentes entreprises dans le monde qui travaillent sur des systèmes justement pour se déplacer, pour séparer toutes les fonctions de mobilité et les fonctions de jeu. Donc les fonctions de main restent dans les PS Move ou dans les manettes, et tout le déplacement se passe au pied. Je pense aux Cyber Shoes, donc c'est des semelles qu'on fixe sous les chaussures avec des petites roulettes dessous, et en bougeant les pieds, on peut se déplacer. Il y a VRGo qui ont fait un espèce d'œuf sur lequel on s'assit, et en bougeant, en basculant son corps, on va pouvoir tourner un peu comme si on était assis sur un 3D Rudder. Ils ont aussi développé une version assise, donc c'est la même chose que qu'on pose sur une chaise de bureau, et pareil, en inclinant son corps, on va pouvoir se déplacer. Et donc j'ai trouvé ça original. C'est la société 4VR qui faisait des tapis roulants qui devaient coûter, il y avait le 4 mini et tout ça, c'est des gros tapis roulants qui vont vous bouffer la moitié de votre salon. Et donc là, ils ont sorti une version, le 4 locaux. Donc c'est trois capteurs en fait. Il y a deux capteurs que l'on va fixer à nos chevilles, et le troisième capteur qui sera à notre ceinture. Et donc c'est compatible PS4, donc on branche sur la prise USB un petit appareil qui fait effet un peu d'un clavier en fait. Et donc les développeurs vont théoriquement en une heure d'après 4VR, ils vont rentrer toutes les informations dans leur jeu en moins d'une heure. Et donc, en fait, pour avancer dans le jeu, bah, tu trottes sur place. Donc déjà qu'on avait l'air de guignol en plein été avec notre casque VR, bah, là, tu vas trotter. Donc, en fait, trottines dans ton salon. Tu trottines sur place, en fait. Et les chocs que les capteurs percutent, et comme ça te fait avancer dans le jeu. Bon, il y a aussi un mode, également un mode croisière. Donc le mode croisière, tu peux rester juste en avançant le pied avant, et en posant le talon contre le sol, tu peux avancer aussi comme ça, juste en inclinant. Alors c'est un produit qui n'est pas référencé par Sony. Donc c'est vraiment une entreprise chinoise. Ce que je retiens de tout ça, moi, c'est qu'il y a pas mal de sociétés qui cherchent des solutions. On les a pas testées, on sait pas si ça va marcher ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore il y a plein de bonnes idées, il y a plein de choses ou de mauvaises idées. Mais on sent qu'il y a plein d'entreprises qui font des recherches pour ces déplacements. Et ben, un système comme ça de petits capteurs, ben, c'est petit, ça prend pas de place, ça se fixe relativement vite sur la ceinture, ça peut très bien fonctionner avec un Quest ou quoi que ce soit, et pourquoi pas, ça peut être une solution. Alors après, je sais pas comme cela fonctionne, mais dans l'idée, ça, pourquoi pas. Après, il faut voir si ça marche. Voir si ça peut ramener de l'immersion à certains jeux. C'est ça. Mais bon, après, faire attention, si ça se trouve, ça fonctionne pas du tout. Hein, là, mais je trouvais ça intéressant comme... nouveau système. Il y a la news sur le site d'ailleurs, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, donc le 4 locaux, avec une vidéo de présentation du constructeur. Et ouais, c'est toujours bien effectivement de voir dans la recherche et développement, tu as toujours des boîtes qui proposent des choses au moins. C'est ça. Bien, ça reste pas les pieds dans le même plus, panier, alors, quand on a vu ça au début, on se disait c'est un truc sur PC. Après, ils ont carrément mis le PSVR sur leur site, hein, donc compatible PSVR. Concrètement, dans la réalité, donc là c'est une campagne Kickstarter qui s'est terminée, je crois, la semaine dernière. Kickstarter. Ouais. McDonald's. C'est pour Seb, ça. Elle vient juste de se terminer la campagne. Je sais plus ce que je voulais. Oui, et donc il y a bien le casque PSVR sur le site, mais actuellement il n'y a que Resident Evil 7 et Skyrim VR qui sont compatibles. C'est deux jeux qui sont compatibles parce que c'est des déplacements à la DualShock. Apparemment, tous les jeux qui se déplacent à la DualShock seraient compatibles avec ce 4 locaux. Mais c'est sûr que c'est pas encore un produit complètement commercialisé, c'est plutôt un produit qui est en phase de développement, donc on sait pas trop ce que ça va... On va rester en contact avec eux, puis on va essayer d'en savoir plus. Ok, et pourquoi pas faire un test. Exactement. Disons. Ok, bon du coup je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Est-ce que je refais la fin comme d'habitude? Vous pouvez nous retrouver sur les applications podcast, sur PodCloud, sur pas sur Facebook, iTunes, pas sur Facebook. Vous pouvez pas nous retrouver sur Facebook plus jamais. Enfin, on espère pas quand même. Pas sur Facebook parce qu'ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Ils veulent pas de nous. Ils nous ont tège. Salaud. Donc voilà. Et donc si on n'a pas de problème avec iTunes, Boulette, peut-être qu'on se retrouvera dans deux semaines pour pouvoir parler encore de jeux PSVR. Et puis on vous fait à tous de gros bisous. Merci de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Allez, ciao les amis, bye. Ciao.